T'avais oublié d'éteindre ton micro tout à l'heure. Alors, t'as tout entendu de mes prochaines disponibilités? Tout à fait. Oh, salut, tu vas bien? J'ai cru, tiens, t'as eu de la voix d'Antoine pendant un quart de seconde. Thank you.

Thank you. en sol mineur, mais bon. Thank you. dans le quotidien. Where do I start? Thank you. Thank you. nobody hears. They have no vibe, the filth. They're on it, they have no vibe. The blue. Thank you.